Document 6, page 22. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée nationale de la ville à vélo. Il est midi et il y a beaucoup de gens ici avec leur vélo. Ils viennent pour ce grand rendez-vous sur la place de la Comédie. Bonjour monsieur, d'où venez-vous ? Je viens de Pérol, un village à 10 km d'ici. Pourquoi faites-vous du vélo ? J'adore ça. J'aime la nature, le silence. J'ai une voiture, mais je préfère le vélo. Vous allez au travail en vélo ? Bien sûr ! Bravo ! Ce sont vos enfants ? Oui, mes enfants et leurs cousines. Et ils sont tous ici avec leur vélo. Et vous, madame, vous venez d'où ? Nous venons de Palavas. Je suis avec mon mari et nos deux enfants.